France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Plus d'un siècle après, les historiens n'en ont pas terminé avec l'affaire Dreyfus. Ces dernières années, trois chercheurs, Pierre Gervais, Pauline Peretz, Pierre Stutin, en ont par exemple proposé un nouvel éclairage par un travail innovant sur ces archives. Leur analyse approfondie des pièces du dossier dit secret, qui était au cœur de l'accusation portée contre Dreyfus, s'est traduite par un livre, Le dossier secret de l'affaire Dreyfus, un site internet compagnon de cette publication, mettant par ailleurs à la disposition du grand public tous les éléments pour comprendre, dans tous ses rouages, la machine infernale qui envoya Alfred Dreyfus à l'île du diable. Une contribution sans aucun doute précieuse, permettant à tout un chacun, après notamment les sommes de Jean-Denis Bredin ou de Marcel Thomas, de mieux connaître ce moment capital de notre histoire. Marcel Thomas, on le retrouve en 1967 dans une analyse spectrale de l'Occident de Pierre Cipriot consacrée à l'affaire. Avec lui, Pierre Sorlin, Emmanuel Berle et Henri Contamine. Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, l'affaire Dreyfus. Une émission de Pierre Cipriot réalisée avec la collaboration de Marie-André Arminot. Avec Emmanuel Berle, Henri Contamine, Pierre Sorlin, Marcel Thomas. Lecteur, Jean Topard. En introduction à cette émission sur l'affaire Dreyfus, je voudrais dialoguer avec Pierre Sorlin. Chez Bernard Grasset, Pierre Sorlin a publié un livre, le titre de ce livre, « La Croix et les Juifs ». Il s'agit de toutes les réactions du journal La Croix au mouvement d'antisémitisme qui a marqué l'histoire de la pensée française à la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas du tout un sujet à côté de l'affaire Dreyfus, puisqu'il est évident que si l'on cherche les causes profondes de l'affaire Dreyfus, il faut d'une part tenir compte de l'échec du mouvement boulangiste et d'autre part de cette vague d'antisémitisme qui s'est emparée d'une partie de l'opinion française. Léon Blum, qui avait autrefois réfléchi sur l'affaire, rassemblé ses souvenirs, insistait sur ces deux causes, et Léon Blum soulignait le fait que cet antisémitisme s'est surtout répandu en France dans des milieux parisiens, mondains, dans des cercles professionnels, soit qu'on reproche aux Juifs d'entrer trop rapidement dans une société constituée, le Juif studieux qui réussit très bien partout, soit qu'on reproche aux Juifs de s'enrichir au détriment des catholiques. Eh bien, je crois que le livre de Pierre Sorlin, qui est une enquête très précise sur la bonne presse, renouvelle cette vision des choses, puisque la bonne presse, et là je laisse la parole à Pierre Sorlin, la bonne presse n'était pas du tout lue, finalement, dans les milieux mondains, dans ces milieux qui fréquentaient le théâtre de Lavedan ou de Maurice Denet, dont nous parle Léon Blum. Léon Blum pense certainement d'abord à des journaux parisiens, il pense aussi à la Ligue antisémitique, qui se recrutait surtout dans des milieux mondains. Au contraire, La Croix, comme d'ailleurs beaucoup de journaux antisémites, avait un public populaire et un public provincial. Il y a eu un antisémitisme mondain, dont vous avez analysé les motifs, mais il n'aurait certainement jamais tenu, il n'aurait jamais eu cette ampleur, s'il n'avait pas correspondu à un sentiment très profond dans l'ensemble du pays. Je crois que l'origine directe de ce sentiment, c'est un très vieux fond d'antisémitisme chrétien. C'est la haine, ou au moins la méfiance, que l'Église, une certaine Église, a développée à l'égard des Juifs, d'abord pour des raisons théologiques, et de plus en plus, au cours du XIXe, pour des raisons politiques. Les Juifs sont apparus comme les ennemis directs de l'Église, cette Église qui est très menacée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ils sont apparus comme les athées par excellence, comme les ennemis du Christ et les soutiens des francs-maçons. Et tous ces thèmes assez vulgaires, assez stupides, sont répandus par la presse religieuse, spécialement par cette presse tout à fait populaire que les assomptionnistes ont publiée. Pourriez-vous nous donner une idée du tirage du journal La Croix ? Oui, c'est très facile. À son maximum, c'est-à-dire à peu près au moment de l'affaire Dreyfus, La Croix tire à 170 000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque. Il faut mettre évidemment à part les deux journaux à grand tirage, le Petit Parisien et Paris Soir. Les autres journaux, comme le Figaro par exemple, tirent entre 150 et 200 000 pour les mieux placés. On peut dire que La Croix est un journal à grand tirage pour l'époque. Et quels étaient les lecteurs de La Croix ? Ce sont d'abord des lecteurs en grande partie provinciaux. La Croix a très peu pris à Paris. Et ce sont des lecteurs qui ne se placent pas du tout dans le bassin parisien, compris au sens étroit, les départements de la périphérie, ni dans le massif central. On les trouve d'abord, pour un quart, ça est très important, dans le nord. On en trouve également dans le nord-est, en Lorraine, et dans Champagne, et puis en Normandie. Il y a un noyau très fort autour de Lyon, ville profondément antisémite, et puis certains noyaux plus dispersés dans le midi. Mais il faut insister surtout sur le nord, car le nord a été à cette époque-là une zone très violemment antisémite. Il serait bon maintenant que nous suivions avec vous, Pierre Sorlin, comme vous le faites dans votre livre sur La Croix et les Juifs, les mouvements divers de cet antisémitisme qui a connu des crises. Il est évident qu'à partir du moment où on trouvait des points de fixation, où on trouvait un motif de querelle, l'antisémitisme devenait beaucoup plus intense et qu'il décroissait en revanche quand il n'y avait rien. Je crois que La Croix, d'abord, il faudrait peut-être le souligner, puisque j'insistais tout à l'heure sur les rapports du boulangisme qui arrive à son échec et de l'antisémitisme, il faudrait souligner le fait que La Croix est un journal qui, à l'égard du boulangisme, était au fond assez indifférent. Oui, La Croix a été à l'origine foncièrement anti-boulangiste, parce que Boulanger, c'était pour elle un général républicain. Elle a viré au dernier moment, le jour où Boulanger a déclaré qu'il ne ferait pas d'anticléricalisme s'il arrivait au pouvoir. En somme, c'est important, c'est uniquement pour des raisons religieuses qu'elle s'est tardivement et sans aucun effet pratique ralliée au boulangisme. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un antisémitisme circonstanciel dans ses explosions, c'est-à-dire qu'il y a un fond constant d'hostilité aux Juifs, et puis de temps en temps, un événement particulier relance la campagne. La première grande campagne contre les Juifs est à peu près postérieure à l'échec du boulangisme. Elle correspond à toute une série de krachs financiers. Le plus important, c'est l'effondrement d'une société de spéculation sur les cuivres, le comptoir des métaux. Et cet événement assez banal en lui-même amène les assomptionnistes à se dire « Tout ça, c'est de la faute des Juifs, donc il faut attaquer les Juifs ». Bien entendu, l'événement par excellence, ce sera en 1894, l'affaire Dreyfus, parce que là, alors on a la preuve éclatante, c'est bien les Juifs qui ont tout fait. Pourtant, le courant en antisémitisme de ces journaux que vous avez analysés était plutôt en décrudescence en 1894, quand éclate l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, on ne peut pas dire que Dreyfus a été choisi comme coupable parce qu'il était juif. Dreyfus étant convaincu d'une trahison, on s'est dit, ça ne nous étonne pas puisqu'il est juif. Mais on ne peut pas dire que ce soit le réflexe d'antisémitisme qui est joué au départ. Je crois que l'essentiel du public antisémite est un public catholique et un public de droite. Et l'antisémitisme, qui a commencé à se développer avec les livres de Drummond vers 1886, est, entre guillemets, un antisémitisme de gauche. C'est-à-dire qu'il est fondamentalement un anti-capitalisme. Ce sont des gens qui, comme Drummond, sont d'origine pauvre, ont horreur de l'argent et condamnent le juif parce que le juif symbolise l'argent. Alors, les campagnes de Drummond ont eu un certain succès de scandale, mais elles ne pouvaient pas toucher un public conservateur. De sorte qu'après une première période de succès, il y a eu effectivement une baisse de l'antisémitisme tout à fait sensible vers les années 1890. Quand la libre parole a débuté en 1892, c'est beaucoup plus par l'exploitation d'un certain nombre de scandales que par son véritable antisémitisme qu'elle a touché le public. Seulement, je crois qu'il y avait une certaine mise en condition des lecteurs. On les avait habitués à voir, à chercher les causes profondes de tout événement dans les manœuvres du juif. On n'a pas condamné Dreyfus parce qu'il était juif, c'est certain. Mais du moment qu'il était juif, on a trouvé naturel qu'il ait trahi. Maintenant, vous soulignez aussi, et je crois que c'est très important pour comprendre la naissance même de l'affaire, que depuis plusieurs mois déjà, bien avant l'affaire Dreyfus, la Croix soulignait le danger qu'il y avait pour l'armée française à introduire des éléments juifs dans des places importantes. Parce que à cet antisémitisme de droite, profond, d'origine religieuse je crois, vient s'ajouter un phénomène nouveau qui est le développement du nationalisme. C'est le développement du nationalisme qui, à la Croix en tout cas, est contemporain à peu près de l'Alliance russe. Les assomptionnistes s'enthousiasment pour l'allié russe, ils veulent qu'on montre au tsar à quel point la France est prête à se défendre, et alors de plus en plus, ils soutiennent l'armée, les représentants de l'armée. Ce qui les conduit évidemment à se méfier de tout ce qui pourrait mettre cette armée en danger, et en particulier des espions. Très nettement, en 1894, ils ont tendance à voir des espions un peu partout. Alors, peut-on dire que la campagne antisémite de la Croix a été renforcée par l'affaire Dreyfus ? C'est incontestable. Mais c'est quand même lié à un épisode, et à partir de 1895-1896, on a l'impression que cette campagne faiblit à nouveau. Elle va renaître en 1898-1899, et je vous laisse le soin de dire, Pierre Sorlin, dans quelles circonstances ? Elle affaiblit pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure, parce qu'il y a un fait qui fixe l'attention, et dès que ce fait est dépassé, Dreyfus est condamné, il n'y a plus rien au fond qui puisse retenir le lecteur. En 1897, les amis de Dreyfus essaient de relancer la campagne en faveur de leur ami, et ce qui est essentiel ici, c'est qu'ils obtiennent le soutien du vice-président du Sénat, Scheurer-Kestner. Du point de vue de la Croix, il se passe alors un phénomène assez curieux, c'est que l'intervention de ce personnage, qui est reconnu comme une autorité morale, a impressionné pendant un certain temps les assomptionnistes. Tout de même, ils se sont dit qu'une telle personnalité ne pouvait pas agir pour rien, qu'il y avait probablement certains soupçons. En fait, les amis de Dreyfus ont été maladroits, ils n'avaient pas de preuves suffisantes, ils ont fait beaucoup de bruit, et finalement, Scheurer-Kestner n'a pas agi dans le sens qu'ils avaient espéré. Si bien que, après cette période d'hésitation, les assomptionnistes ont été au contraire renforcés dans leurs sentiments. Les juifs sont allés jusqu'à acheter le vice-président du Sénat, c'est donc qu'ils sont terriblement dangereux, et il faut renforcer la lutte contre eux. De sorte que le maximum de l'antisémitisme sera atteint après la tentative des amis de Dreyfus, au moment où on lance la campagne pour la révision. Alors peut-être pourriez-vous nous donner une idée de cette machination imaginée par le journal La Croix, machination qui a un nom dans le journal, qu'on appelle le syndicat. Qu'est-ce que c'est que ce syndicat si puissant qui remue le pays, qui soulève la guerre civile, qui ameut toute la presse pour sauver à tout prix Dreyfus ? Que désigne-t-on par le syndicat ? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que personne ne sait ce qu'est le syndicat. Au fond, les assomptionnistes ne sont absolument pas du même avis sur la nature et sur les buts poursuivis par ce syndicat. Pour les uns, c'est une manœuvre politique destinée à remplacer un gouvernement républicain modéré, le gouvernement Méline, par un gouvernement de gauche. Pour d'autres, c'est une machine au service de l'Allemagne ou au service de l'Angleterre. Ils ne savent pas à quoi ça correspond, ils sont certains simplement que le syndicat existe. Et sur la nature même de ce syndicat, leurs opinions ont varié. Au début, le syndicat, c'est un groupe de juifs qui payent des journalistes, des hommes politiques pour sauver un coupable. C'est donc simplement une manœuvre à l'échelle familiale. Puis, en 1898, leur point de vue est radicalement différent. Le syndicat, c'est un instrument au service de la puissance juive qui veut complètement renverser la vie politique française. Dreyfus n'est qu'un prétexte, mais le syndicat, c'est l'ennemi éternel du peuple français, du peuple chrétien, qui se lance à l'assaut de la dernière citadelle qui pourrait défendre l'Église. Vous connaissez très bien cette histoire de la Troisième République que nous allons raconter maintenant avec son spécialiste, avec Marcel Thomas. J'aimerais que, pour finir, vous nous disiez, Pierre Sorlin, si vous avez le sentiment que cette campagne lancée par les assomptionnistes et par le journal La Croix a joué un grand rôle dans l'explosion et dans le déroulement de l'affaire Dreyfus. Un rôle considérable, car les journaux qui ont attaqué directement Dreyfus, et je pense à la Libre Parole, ne touchaient pas le public provincial. Ils ne touchaient pas un public honnête. Ils touchaient au fond des gens qui étaient convaincus d'avance. Alors que la presse assomptionniste, La Croix, mais aussi toutes les autres publications très nombreuses et qui réunies atteignaient probablement 500 000 personnes, ont pénétré leur clientèle de l'idée que le juif était un traître, que Dreyfus était certainement coupable et qu'il était indispensable de soutenir l'état-major contre la coalition judéo-maçonnique. L'affaire Dreyfus, d'abord, de quoi s'agit-il ? En 1894, l'attaché allemand Schwarzkoppen se livre en France à des activités d'espionnage. Un document anonyme, adressé à Schwarzkoppen, tombe entre les mains des services français de contre-espionnage. On croit reconnaître l'écriture de ce document, ce serait l'écriture de Alfred Dreyfus, stagiaire à l'état-major général de l'armée. Pourtant, les deux experts qui ont examiné le bordereau donnent des rapports contradictoires. Et pour obtenir la condamnation de Dreyfus, le général Mercier, ministre de la guerre, fait état, à l'insu de l'accusé, d'un dossier secret préparé par le service de renseignement. Dreyfus est condamné, bien qu'il ne cesse de protester de son innocence. Il partira le 21 février 1895 pour l'île du Diable, après avoir été dégradé dans la grande cour de l'école militaire. Voici cette scène telle que Maurice Barrès l'a décrite dans « Scènes et doctrines du nationalisme ». Quand 9 heures sonnèrent, que le général tira son épée, que les commandements éclatèrent, que les fantassins portèrent les armes et que les cavaliers mirent sabre au clair, le petit peloton se détacha d'un angle de l'immense carré. 4 hommes, au milieu le traître, tout raide, sur un côté l'exécuteur, véritable géant. Les 5 à 6 000 personnes présentes et qu'émouvait cette tragique attente eurent une même pensée, Judas marche trop bien. Spectacle plus excitant que la guillotine fichée dans les pavés à l'aube du jour, place de la Roquette. C'était un heureux de ce monde, méprisé, abandonné de tous. Je suis seul dans l'univers, aurait-il pu s'écrier. Dans ce désert, il allait d'un pas ferme, la mâchoire haute, le corps tout d'une pièce. La main gauche sur la poignée du sabre, la droite balancée. Son chien eût-il léché ses mains-là? Par une ligne diagonale, ce groupe sinistre arriva jusqu'à 4 pas du général figé sur son cheval pour s'arrêter brusquement. Les 4 artilleurs reculèrent, le greffier parla. La silhouette rigide ne broncha point, sinon pour lever un bras et jeter un cri d'innocence, tandis que l'adjudant de la garde, terrible par sa taille et magnifique de tenue, le dépouillait si vite et si lentement de ses boutons, de ses galons, de ses épaulettes, de ses bandes rouges, le tiraillait, le dépiautait, l'endeuillait. Le plus terrible fut quand, sur le genou, il brisa le sabre. Après quelques secondes, et quand il demeura déshonoré et désarmé, les poussées instinctives de la foule réclamèrent avec plus de fureur qu'on tuât ce bonhomme doré devenu un bonhomme noir. Mais la loi le protégeait pour lui faire subir des outrages réglementaires. Judas, jusqu'à cette heure, avait été un petit point immobile, battu par tous ces vents de haine. Maintenant, comme un pilori qui marche, il doit être approché des regards de tous. Il défile. La muraille militaire dont il fait le tour contient ses rages, mais semble prête à crever de fureur. À chaque instant, je crois qu'un sabre se lèvera. La foule, sur les grilles, sur les toits, réclame toujours sa mort. Quand il s'avance vers nous, le képi enfoncé sur le front, le lorgnon sur son nez ethnique, l'œil furieux et sec, toute la face dure et qui bravait, il s'écria, que dis-je, il ordonna d'une voix insupportable, « Vous direz à la France entière que je suis un innocent. »« Judas, traître !» Ce fut une tempête. Fatale puissance qu'il porte en lui ou puissance des idées associées par son nom, le malheureux détermine chez tous des décharges d'antipathie. Sa figure de race étrangère, sa raideur impassible, toute son atmosphère, révolte le spectateur le plus maître de soi. Quand j'ai vu Émile Henry, pieds liés, mains liées, contraîné à la guillotine, je n'eus dans mon cœur que la plus sincère fraternité pour un malheureux de ma race. Mais qu'ai-je à faire avec le nommé Dreyfus ? Dans 3 ans, disait quelqu'un, il sera capitaine de Hulan. Ah non, certes, il n'est pas au monde un groupe d'hommes qui puisse accepter cet individu. Il n'est point né pour vivre socialement. Seul, dans un bois décrié, une branche d'arbre se tend vers lui pour qu'il s'y pende. Un an et demi après cette dégradation, le lieutenant-colonel Sander quitte la section des statistiques, c'est-à-dire le service des renseignements français. Il est remplacé par le lieutenant-colonel Picard. Picard intercepte une carte télégramme dite « Petit Bleu ». Cette carte vient de l'ambassade d'Allemagne. Elle est adressée au commandant Esterhazy. Au cours de l'été 1896, Picard enquête sur Esterhazy. Il étudie le dossier secret qui a fait condamner Dreyfus et il est bien vite persuadé qu'Esterhazy est le vrai coupable. Mais il ne peut faire admettre sa conviction par ses chefs. Et le 16 novembre 1896, on oblige Picard à quitter Paris. De son côté, la famille du capitaine Dreyfus apprend au printemps 1895 que Alfred Dreyfus n'a pas été condamné sur le bordereau, mais sur une autre charge produite à l'insu de la Défense. Voici un extrait du journal tenu par Mathieu Dreyfus, le frère aîné du capitaine, date de cette citation, juillet 1896. Les heures, les jours nous paraissaient interminables. La hantise, l'obsession de mon frère à l'île du diable ne nous quittait jamais. Les semaines succédaient aux semaines, les mois aux mois, sans que nous eussions trouvé une indication. Le fil conducteur qui nous permit de découvrir l'auteur de la trahison. Nous avions pu faire quelques convictions, mais qu'étaient ces quelques convictions en face des masses hostiles, en face de tout un peuple qui voyait en mon frère un soldat félon, traître à sa patrie. D'un côté, une famille et quelques amis, de l'autre, toutes les puissances sociales, tout un monde qu'il fallait soulever. Nous étions dans le plus profond d'un abîme, impuissant à en sortir. Cette sensation de l'impuissance, du néant de nos efforts, était atroce. Car chaque heure qui s'écoulait était pour le malheureux qui agonisait là-bas un siècle de souffrance et un pas de plus vers la mort. La mort n'était certes rien pour lui, mais la pensée de mourir avant que son honneur lui fût rendu, cet honneur pour lequel il avait tout supporté, lui devait être une torture de tous les instants. Et si nous n'arrivions pas à temps pour le réhabiliter de son vivant, Quels amers regrets pour nous de lui avoir imposé des souffrances pires que la mort en empêchant son suicide après la condamnation. Tous les mois, nous lui écrivions sur ce thème, toujours le même, qu'il devait vivre, supporter les misères présentes, que nous étions convaincus d'arriver à faire la lumière. C'était une cruelle souffrance de lui écrire ainsi chaque mois. C'était une souffrance de lire chaque mois ces lettres qui nous déchiraient le cœur. À la fin de l'été 1896, Mathieu Dreyfus est décidé à agir. Il voit bien par les lettres qu'il reçoit que son frère est à bout. En septembre 1896, Madame Dreyfus adresse à la Chambre une pétition pour demander la révision du procès de son mari. En juin 1897, Picard, revenu à Paris, confie à son avocat, Maître Leblois, que Dreyfus est innocent. Leblois communique l'information à Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat. Scheurer-Kestner fait alors paraître dans le journal Le Temps une lettre ouverte où il annonce qu'il existe des documents prouvant que le coupable n'est pas le capitaine Dreyfus. Le journal Le Matin publie le 6 novembre 1897 un fac-similé du bordereau qui a été vendu par un des experts de 1894. Mathieu Dreyfus fait examiner la pièce. Les spécialistes sont formels, le bordereau n'est pas de la main de Dreyfus. Mais alors il faut trouver le coupable. Et comme Mathieu Dreyfus ne sait rien des aveux de Picard à Leblois et à Scheurer-Kestner, il fait vendre sur les boulevards des reproductions du bordereau et des lettres de son frère. Le 6 ou 7 novembre, un des fils de M. Adamard vint me chercher. Un ami devait me donner au domicile de son père un renseignement de la plus haute importance. J'y trouvais M. Oberndorfer, qui était chargé de la part de M. de Castro, banquier, de la communication suivante. M. de Castro, en se promenant la veille au soir sur les boulevards, avait acheté un placard contenant le fac-similé du bordereau et des lettres de mon frère. Lorsqu'il le regarda, il eut, comme il dit, un éblouissement, en constatant que l'écriture du bordereau était l'écriture d'un de ses anciens clients, officier français. Il rentra précipitamment chez lui, chercha des lettres de l'officier, les compara à l'écriture du bordereau. Les deux écritures étaient identiques. Monsieur de Castro m'offrait de me faire voir des lettres de son ancien client à 2 heures de l'après-midi dans son cercle, boulevard Montmartre. À 2 heures, j'étais au cercle. Monsieur de Castro et Monsieur Oberndorfer m'attendaient dans un petit salon particulier. Monsieur de Castro avait étalé sur une table le fac-similé du bordereau, encadré en haut, en bas, à droite et à gauche par des lettres. Monsieur de Castro me dit « Regardez. » Je fus immédiatement frappé par l'extraordinaire ressemblance des écritures. J'étudiais fiévreusement, mais avec soin et longuement, les détails de l'écriture des lettres. Je recherchais les singuliers double S, les points sur les I, presque toujours reliés à la lettre suivante, les G en forme d'Y, les double T, séparés du bordereau. Je trouvai successivement dans ces lettres toutes les singularités de l'écriture du bordereau, puis, dans le bordereau, les singularités de l'écriture des lettres. Je les y trouvai toutes. C'était l'identité même. C'était l'écriture du coupable. Ce ne fut qu'après ce minutieux contrôle que je me préoccupai de la signature qui se trouvait au verso des pages. Cette lettre était signée Esterhazy. Le 15 novembre 1897, Mathieu Dreyfus dénonce publiquement Esterhazy. Le 11 janvier 1898, Esterhazy est acquitté à l'unanimité. Le 13 janvier, l'Aurore publie, sous le titre J'accuse, la lettre ouverte d'Émile Zola au président de la République. Zola est condamné aux assises le 23 février 1898 pour avoir écrit dans cette lettre que l'acquittement d'Esterhazy a été prononcé par ordre. Picard est inculpé. Mais les faux utilisés dans toute cette affaire finissent par désintégrer le système de défense de l'état-major. Cavaignac, devenu ministre de la guerre, donne lecture à la Chambre de pièces dont tout le monde éprouve le malaise et la contradiction. Le commandant Henri, qui, sur pièce, a fait acquitter Esterhazy, avoue à Cavaignac qu'il a collé deux papiers différents pour faire croire à la culpabilité de Dreyfus. Henri est envoyé aux arrêts au Mont-Valérien et il se suicide avec son rasoir. La révision s'impose, d'autant plus que le 18 juillet 1899, Esterhazy, dans un récit publié par Le Matin, reconnaît qu'il est l'auteur du bordereau. Mais du 7 août au 9 septembre 1899, quand Dreyfus, revenu de l'île du Diable, passe devant le conseil de guerre de Rennes, le général Mercier et ses subordonnés attestent que rien ne s'est passé depuis 1894, sinon de l'agitation, des fables inspirées par le syndicat qui a juré de sauver Dreyfus. Dreyfus, encore une fois, est déclaré coupable par 5 voix contre 2, donc avec circonstances atténuantes, mais il est gracié par le président de la République le 19 septembre 1899. Ce recours en grâce, décidé par Mathieu Dreyfus et Joseph Reynac pour sauver la vie de Dreyfus, ce recours fut contesté par quelques Dreyfusards, dont Clémenceau, qui pensaient qu'on allait ainsi achever de brouiller les cartes. Je partis pour Paris dans l'après-midi. Le lendemain matin, j'allai chez Reynac. J'y trouvai Bernard Lazare. Je leur fis part des grandes inquiétudes que me donnait la santé de mon frère et je leur racontai la conversation de la veille avec lui. « Il ne vivra pas 6 mois s'il reste en prison, leur dis-je. Quelle tâche ineffaçable pour le pays s'il meurt en prison !»« J'ai pensé à la grâce, » dit Reynac. « Cette nouvelle condamnation de l'innocent va soulever l'opinion publique du monde entier. » Un cri d'horreur s'élèvera non seulement contre les criminels qui ont fait condamner votre frère, mais contre la France elle-même. Il faut désolidariser la France d'avec ce crime. Il ne faut pas qu'elle devienne complice en le subissant. Il ne reste, hélas, actuellement que la grâce. Mais la grâce immédiate, 48 heures après la condamnation, c'est la réponse du gouvernement à cet arrêt inique. C'est l'arrêt déchiré par le chef de l'État, par le ministre de la guerre, chef de l'armée. Et ainsi l'honneur de la France sera sauvé devant le monde, et la responsabilité de l'horrible verdict sera laissée au juge du Conseil de guerre. C'est d'ailleurs la thèse que je soutiens dans mon article de ce matin. Je suis d'accord avec vous, lui dis-je. Voyez de suite Valdecrousseau, les autres ministres, arrachez-leur la grâce, il faut l'obtenir. Quelle humiliation, quelle honte d'être réduit à accepter la grâce lorsqu'on est innocent. Mais notre premier devoir n'est-il pas de sauver la vie de mon frère ? Nous rechercherons ensuite les moyens de faire réviser cette inique condamnation. Je vais aller trouver Clémenceau, lui exposer la situation, l'urgence extrême de faire sortir mon frère de la prison. Bernard Lazare m'accompagna chez Clémenceau. Lorsque je lui parlai de l'urgente nécessité de la grâce pour sauver la vie de mon frère, il fut fort ému. « Mon cœur dit oui, dit-il, ma raison dit non. » Il sentait, et je le sentais moi-même, que la lutte, à partir du jour où mon frère serait en liberté, deviendrait plus difficile et que l'opinion considérerait la grâce comme une solution. Mais j'obéissais à un impérieux devoir, celui d'assurer d'abord la vie à ce malheureux qui avait déjà tant souffert. On ne peut pas en 2 heures donner une idée de ce qui s'est passé en France entre 1894, où le capitaine Alfred Dreyfus est condamné à la détention à vie dans une enceinte fortifiée, et 1906, où la chambre de cassation déclare qu'il ne reste plus rien à la charge de Dreyfus qui puisse être qualifié crime ou délit. Il y faudrait une masse de détails que l'exposé à la radio ne permet pas de donner. Il y faudrait surtout une puissance d'évocation, l'art de prendre le sujet par tous ses aspects, militaires, politiques, religieux, retrouver la mentalité de l'époque, dire de quoi on parlait quand une partie de l'opinion et de la presse mettait en avant l'honneur de l'armée, parlait du faux de Henri comme d'un faux patriotique, ou accusait la mystérieuse puissance occulte qui voulait sauver Dreyfus. Il faudrait aussi savoir de quoi on parlait quand l'autre partie dénonçait la raison d'État, entendue comme la raison du plus fort, les consignes d'obéissance, la résistance à la vérité qui avait cours dans ce qu'on appelait la jésuitière. Toute cette atmosphère dreyfusarde, vous la trouverez évoquée admirablement dans Jean Barrois de Roger Martin Dugard, et je vous renvoie à ce livre. Au fond, toute l'affaire, née d'une erreur judiciaire, s'est aggravée d'une résistance tenace, diabolique, jamais prise au dépourvu de la part des auteurs de cette erreur pour ne pas la reconnaître. Et ce barrage a élargi l'affaire, en a multiplié les rebondissements, épuisé tous les possibles. Dans les très belles pages qu'il a écrites sur les souvenirs de l'affaire, et qu'on trouvera dans les volumes des œuvres complètes publiées chez Albin Michel, Léon Blum raconte comment les partisans de Dreyfus furent décontenancés par l'affaire. Ils avaient tout calculé, écrit Léon Blum, hors la résistance et la bataille. Et en effet, il fallut toute la force du monde pour contraindre des hommes à ne plus falsifier la vérité, à ne plus abuser l'opinion. Pendant des années, chaque coup favorable aux révisionnistes provoquait une réaction massive de leurs adversaires. Et au nom d'un devoir patriotique qui s'exprimait par des mots très vénérables, les adversaires de Dreyfus, fuyant le procès en pleine lumière réclamé par Zola dans sa lettre J'accuse, eurent recours à des procédés de traître de mélodrame, à des dossiers secrets, à des faux, à des campagnes de presse abusant l'opinion, à des complots pour éloigner ou discréditer les témoins gênants. Tout un ensemble de mesures incohérentes, sans doute, et qui ne résistaient pas à l'examen, mais qui chaque fois réussissaient à augmenter le trouble, car elles visaient à l'efficacité, conduisaient à des conclusions étonnantes, et ainsi ralliaient d'innombrables dupes. Dans « Scènes et doctrines du nationalisme » de Maurice Barrès, on a l'évocation d'une minute étonnante qui éclaire magistralement cet endurcissement, cet acharnement, le système de résistance clos, parfait, complet, pratiqué par ceux qui avaient fait condamner Dreyfus. C'est la scène du procès de Rennes en 1899, où le général Mercier, ancien ministre de la guerre, vient soutenir le bien fondé du jugement prononcé contre Alfred Dreyfus en 1894. Pour placer cette scène sur son vrai terrain, il faut savoir qu'elle se passe après le procès Esterhazy, après que Cavaignac ait arraché à Henri l'aveu qu'il a fabriqué un faux pour que Dreyfus n'échappe pas à la justice militaire, après que Esterhazy ait publié dans le Matin un article où il reconnaît qu'il est l'auteur du bordereau et que ce bordereau, il l'a écrit sur l'ordre de ses chefs pour fournir une preuve de la culpabilité de Dreyfus. Une de ses plus curieuses excitations se fut, je crois bien, le 12 août, tandis que Mercier déposait. Je dois décrire cette scène. Les amis de Dreyfus avaient répondu le bruit que le général produirait certaines pièces et qu'il serait arrêté pour faux et pour violation des secrets de l'État. Aussi, les curiosités attendaient, exigeaient une péripétie de théâtre. À la suspension de l'audience, on vint dire au général que le public l'entendait mal et qu'il devrait élever la voix. « C'est pour le tribunal que je parle », répondit-il. En effet, ni par le ton ni par les arguments, il ne s'adressait à cette salle avide, pathétique et nerveuse jusqu'à la puérilité. Son réquisitoire ne cherchait sa force et ses effets que dans la technique de l'artilleur et dans les informations de l'homme de gouvernement. Les chefs Dreyfusards, qui ont toujours voulu passionner cette mince affaire, devaient être désorientés par l'attitude de ce spécialiste qui parlait à des juges militaires comme à des professionnels et qui, sans souci des avocats politiciens ou sentimentaux, ramenait dans l'ordre des faits le cas Dreyfus, simple fait d'ordre militaire. Le général Mercier dessina les formes générales du crime et le limita et le précisa. Il indiqua toutes les pistes au bout desquelles se trouvaient les preuves, puis, après 3 heures de réquisitoire et près de terminer, il porta son regard glacial des juges sur Dreyfus, que jusqu'alors il n'avait pas voulu voir. Messieurs, si le moindre doute avait effleuré mon esprit, je serais le premier à le déclarer et à dire devant vous au capitaine Dreyfus, je me suis trompé de bonne foi. Dreyfus alors, de sa voix sans âme et comme une machine qui se déclenche, cria « C'est ce que vous devriez dire. » Mercier continua. « Je viendrai dire au capitaine Dreyfus, je me suis trompé de bonne foi, je viens avec la même bonne foi le reconnaître, et je ferai tout ce qui est humainement possible pour réparer l'épouvantable erreur. C'est votre devoir, » redoubla Dreyfus. Le général Mercier prit un nouveau temps, regarda le traître comme une chose et dit « Eh bien non. Ma conviction, depuis 1894, n'a pas subi la plus légère atteinte. Elle s'est fortifiée par l'étude plus complète et plus approfondie de la cause. Elle s'est fortifiée aussi de l'inanité des résultats obtenus pour prouver l'innocence du condamné de 1894, malgré l'immensité des efforts accumulés, malgré l'énormité des millions follement dépensés. » La salle Dreyfusarde rugit, mais Dreyfus s'était retombé dans le silence. Cet endurcissement dans l'erreur judiciaire, cette volonté d'avoir raison coûte que coûte qui finit par mobiliser toute la France pour ou contre, ont pu faire croire à un complot. Et c'est l'interprétation de Henri Guillemin dans « L'énigme Stérasie » paru chez Gallimard en 1962. Maurice Barrès, qui lui avait été anti-Dreyfusard, pensait, et son fils Philippe le rapporte dans les œuvres complètes, que la crise avait été voulue, attisée par les services secrets allemands pour diviser la France et dresser une partie de l'opinion française contre l'armée. Léon Blum, qui lui était Dreyfusard, pensait qu'on ne pouvait comprendre l'affaire Dreyfus si l'on perd de vue qu'elle éclatait moins de 8 ans après la crise boulangiste, c'est-à-dire une révolution manquée. Les boulangistes avaient été à 2 doigts de la victoire, le général Boulanger aurait dû occuper l'Élysée le 27 janvier 1889, leur échec les avait rendus furieux et amers, et selon Léon Blum, les cadres du boulangisme, qui avaient survécu à l'échec de leur parti et à la mort de leur chef, auraient trouvé dans l'affaire un moyen de faire tomber les gouvernements, de discréditer le régime et les hommes responsables, jusqu'à ce que le pays, fatigué de perdre ainsi le sens de la direction, se donne un pouvoir stable et fort. Joseph Reynac, dans son histoire de l'affaire Dreyfus, tenant compte de l'acharnement mis par le commandant Henri pour empêcher par tous les moyens la révision du procès Dreyfus, Joseph Reynac pensait qu'une complicité liait Henri à Estérasie et que Henri avait été le complice de la trahison commise par ce dernier. Ce sont là des interprétations toujours possibles en raison même du caractère collectif anonyme que présente l'affaire Dreyfus. Marcel Thomas, conservateur à la Bibliothèque nationale, que vous allez entendre dans quelques instants, et qui a publié en 1961 chez Fayard l'affaire sans Dreyfus, Marcel Thomas a eu le très grand mérite, à partir de tous les documents dont disposent à ce jour les historiens, de reconsidérer l'affaire telle qu'elle s'est présentée aux yeux des responsables, les officiers du service de renseignement français. Nombre de réticences, d'hésitations manifestées à l'état-major devant l'œuvre de vérité et de réparation qui s'imposait en équité, écrit Marcel Thomas, s'explique par la crainte, fondée ou non, de désorganiser ainsi des services auxquels le grand jour est fatal et dont le rôle et les méthodes étaient alors beaucoup moins connus du public qu'ils ne le sont aujourd'hui. Veuillez donc écouter Marcel Thomas, conservateur en chef à la Bibliothèque nationale, et Marcel Thomas dialogue avec Emmanuel Berl, à qui je laisse la parole. L'affaire Dreyfus est une affaire à la fois très simple et très compliquée, parce que c'est une affaire où convergent une question d'espionnage et de police qui est très difficile à débrouiller et même probablement impossible à débrouiller complètement, comme toutes les affaires de cette sorte. Et d'autre part, une poussée réellement hystérique d'antisémitisme et d'irritation dans l'ensemble de l'opinion et surtout de la presse française. Donc, la vraie cause pour moi de l'affaire Dreyfus, elle est dans le livre de Mme Barbara Tuchman, qui a dit, avec un très grand bon sens, quand les gens deviennent fous, ils cessent d'être raisonnables. Donc nous sommes sur un terrain, pour parler médicalement, où la France est prête à n'importe quelle infection. là-dessus va se greffer une affaire d'état-major, de deuxième bureau, de service de statistique, ce qui est en fait le service d'espionnage, qui n'a jamais été débrouillé. Et M. Thomas a fait, sur cette affaire, un travail absolument remarquable de bénédictin auquel on ne peut pas rendre trop hommage. La limite de son livre, c'est qu'elle s'appelle « L'affaire Saint-Dreyfus » et que, quand vous enlevez complètement Dreyfus de l'affaire Dreyfus, il ne reste plus grand-chose. Évidemment, pour que le livre de M. Thomas fût parfait, comme un roman policier, il aurait fallu qu'après avoir montré ce que tout le monde sait, que Dreyfus est innocent, il trouve également le coupable. Et d'ailleurs, non seulement nous ne connaissons pas le coupable, mais nous ne savons pas avec exactitude quel crime a été commis. Alors là, nous sommes dans des complications et des difficultés très grandes, et M. Thomas est à peu près seul à pouvoir parler d'une manière adéquate sur cette question. Eh bien, Marcel Thomas, je crois que nous pourrions avec vous reprendre un peu le dessin de votre livre, c'est-à-dire essayer de reconsidérer cette affaire telle qu'elle s'est passée pour ces gens de l'état-major qui ont été les premiers témoins. Alors que pouvez-vous nous dire sur le déclenchement de l'affaire elle-même? Comment l'expliquez-vous? Eh bien, je l'explique d'abord dans les grandes lignes, tout à fait comme M. Berle. Il y a certainement eu la convergence entre un incident qui aurait pu être limité et un état de choses général, état d'esprit du public, de l'opinion, de la presse, qui lui a donné des proportions tout à fait imprévues. C'est absolument certain. Tout à l'heure, M. Berle se demandait si, au fond, on pouvait découvrir un coupable dans cette histoire. Étant bien admis, je crois que personne n'a de doute maintenant là-dessus, enfin de doute sérieux tout au moins, que Dreyfus était innocent. À mon avis, il y a certainement un coupable, et je crois qu'il n'est pas douteux qu'il s'agisse d'Esterhazy. Ce qui est probablement moins sûr, c'est la limite exacte de sa culpabilité. Je serais assez tenté de croire que si on avait effectivement pu déterminer la nature exacte des matériaux livrés par Esterhazy à Schwarzkoppen, que nous sommes forcés de reconstituer un petit peu par hypothèse dans certains cas, on se serait rendu compte qu'il avait fait preuve, manifestement étant officier français, d'une extrême indélicatesse et même de graves fautes contre l'honneur en s'abouchant avec un attaché militaire allemand et en se faisant payer par lui pour lui apporter des renseignements, mais que probablement il n'y aurait pas eu matière à une condamnation pour trahison absolument caractérisée. Mais, encore une fois, ceci n'est qu'une opinion. En tout cas, peu coupable, ou très coupable, ou abominablement coupable, Esterhazy est certainement au centre, au nœud de l'affaire. Sans Esterhazy, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus. Et sans un certain nombre de hasards, il n'y aurait certainement pas eu d'affaire du tout, ou alors il y aurait eu, tout bonnement, une information menée contre Esterhazy. Avec un peu de chance, nos services de renseignement auraient pu arriver à identifier Esterhazy, et à ce moment-là, eh bien, toute une page de l'histoire de France n'aurait pas été écrite. Mais enfin, on ne réécrit jamais l'histoire. Je me trouve aussi en présence de deux problèmes, à mon avis, qui sont tout à fait distincts. En 1994, il y a une erreur judiciaire et Dreyfus se trouve condamné à la place d'Esterhazy pour la commodité. J'admets avec M. Thomas qu'Esterhazy est le coupable. À ce moment, il n'y a aucune espèce de opposition. Moi-même, je peux témoigner que autour de moi, où les rapports avec la famille même de Dreyfus existaient, il n'y a eu aucun doute et aucune révolte. On s'est dit, bon, il a fait une bêtise, eh ben, il est allé du diable, ça va. Mais alors, un second problème se pose, qui pour moi est beaucoup plus difficile parce que l'erreur, nous en commettons tous les matins. En 96, un officier d'une assez grande valeur, et en tout cas qui jouit d'une très bonne situation dans l'intérieur des services de renseignement de l'état-major français, vient dire aux chefs militaires et civils de son organisme: j'ai la certitude que Dreyfus a été condamné sur une pièce qui n'était pas lui, et sur une autre pièce qui était fausse. Et je crois que nous autres, militaires, nous devrions régler cette affaire nous-mêmes pour éviter qu'elle soit réglée par d'autres et contre nous. Or, à ce moment-là, au lieu de suivre le conseil de Picard qui, rétrospectivement, paraît vraiment très bon, on fait tout le contraire. On s'en prend à Picard. On le met à la porte. On va jusqu'à l'inquiéter sur son propre destin et sur sa propre vie. Bref, on s'entête. Et c'est à ce moment-là que va commencer la vraie affaire Dreyfus, c'est-à-dire alors une lutte de plus en plus farouche entre ceux qui veulent la révision et ceux qui ne la veulent pas. Oui, effectivement, je crois que le problème est très bien posé de cette façon-là. Le deuxième grand tournant de l'affaire Dreyfus, c'est la lutte pour la révision. Et alors, évidemment, et surtout avec le recul, il peut paraître à la fois criminel et absurde de ne pas avoir écouté Picard. Pourtant, je ne voudrais surtout pas avoir l'air de me faire l'avocat du diable et, en la circonstance, l'avocat de l'état-major ou de Mercier. Mais il me semble tout de même que la chose n'était pas aussi simple et que on comprend que les supérieurs de Picard aient tout au moins hésité. Qu'ils aient pris finalement la mauvaise décision, ce n'est pas niable. Mais ça ne pouvait pas être résolu extrêmement facilement. Vous disiez il y a un instant, monsieur, une affaire qui aurait pu être réglée entre nous. Entre nous, c'est-à-dire entre officiers. C'était beaucoup plus grave que ça. Dreyfus avait été condamné. Il s'agissait d'obtenir la révision de son procès. Ce n'était pas une affaire qui pouvait se trancher à l'intérieur de bureaux. Il fallait, et c'est ça qui a toujours arrêté les grands responsables de l'état-major et du ministère de la guerre, il fallait refaire un procès sur des bases qui, au moment où Picard essayait de convaincre ses chefs, étaient tout de même extrêmement minimes, car, en fin de compte, il fallait arriver à démontrer que le bordereau qui avait été attribué par des experts en écriture, et de bons experts en écriture, même s'ils se sont trompés dans les circonstances, à Dreyfus, devait l'être à Esterhazy. Donc il fallait trouver, mettons, trois autres experts en écriture prêts à démentir du tout au tout leurs confrères. Car, à part l'expertise en écriture, Picard n'avait rien contre Esterhazy, qu'il surveillait depuis 4 mois, le malheur ayant voulu qu'on ait été mis sur la trace des agissements d'Esterhazy au moment précis où Schwarzkoppen, qui était là de se faire escroquer, et sur l'ordre de ses supérieurs qui trouvaient que la marchandise était vraiment trop chère payée, rompait avec Esterhazy. Donc ceci est un premier aspect de la question. D'autre part, même si la révision avait pu être obtenue sur cette base qui, je le répète, à ce moment-là, était encore tout de même fragile, on se serait trouvé à l'état-major devant une situation tout à fait grave. Et ça n'a échappé à personne d'ailleurs. En effet, l'erreur de 94, qui, à mon sens, était une erreur, s'est tout de même accompagnée d'un acte très grave commis par un ministre en exercice. On a longtemps parlé de forfaiture, et je crois que c'est le terme. Il ne faut pas oublier qu'en 94, Mercier, qui n'était pas sûr d'obtenir la condamnation de Dreyfus et qui voulait à tout prix cette condamnation, parce que les choses avaient, enfin ce serait trop long d'entrer dans le détail, mais les choses avaient tourné de telle sorte que si Dreyfus avait été acquitté, lui, Mercier, aurait été obligé de démissionner, et qu'il avait préféré son portefeuille à ce qu'il considérait comme une petite irrégularité. À quelle date Mercier cesse-t-il d'être ministre de la guerre ? 95, début 95. Or, c'est en 96 que se trouve le drame Picard. Absolument. Mais Mercier était en contact étroit avec ses collaborateurs anciens. Et il faut bien dire que la perspective pour son successeur, le général Billot, de voir un de ses prédécesseurs traduit lui-même, je ne sais pas si ça relevait de la haute cour, puisqu'il n'était plus ministre, mais enfin, devant une instance quelconque, n'enchantait personne. Il y avait quand même cette question de dossiers secrets. Qui connaissait ces dossiers secrets, en dehors des membres de la Cour suprême, de la Cour militaire, qui avait jugé Dreyfus? Personne. Ah non, mais on savait le fait que ce dossier secret... On pouvait croire que ces dossiers secrets comprenaient des pièces extrêmement compromettantes pour Dreyfus. Ah oui, mais pas à l'état-major. Autrement dit... ni le général de Boisdeffre, ni le général Billot, ni le général Gons n'ignoraient très exactement ce qu'il y avait eu dans le dossier secret communiqué illégalement au juge par Mercier. Il est d'ailleurs tout à fait prouvé que Mercier, au moment des premières agitations, si vous voulez, de Picard, a redouté cette éventualité d'une façon tellement frappante que quelques mois plus tard, il n'a pas hésité à obtenir de... son ancien collaborateur, le général Gons, le sous-chef d'état-major, la destruction d'une pièce qui prouvait la communication illégale du dossier. Tout le monde l'a reconnu, ça c'est un fait patent. Donc il craignait manifestement la révision pour lui Mercier. Mais d'une part, l'affaire pouvait même se régler en conseil de guerre. Et quand on est soit ministre de la guerre, soit chef de l'état-major général... on n'est pas sans moyen de pression sur un conseil de guerre à qui on demande d'éviter la guerre civile. Je vous arrête, si ce n'était pas du tout une affaire de conseil de guerre. Pour casser la sentence, autrement dit pour faire la révision, c'est une affaire de cour de cassation. Ça sortait tout à fait du domaine de la justice militaire. Il ne pouvait pas se débrouiller avec la justice. Absolument pas. D'ailleurs, la révision... l'a montré par la suite, quand finalement oui, il a fallu aller en cour de cassation, ça c'est certain. Mais alors, d'autre part, j'ai quelques difficultés à admettre que Picard, qui était tout de même très au parfum de ces choses, ait demandé à ses supérieurs une action qu'il savait être à peu près impossible pour eux à faire. Effectivement, Picard était relativement jeune, il ne faut pas l'oublier. Picard a peut-être eu des illusions, à la fois sur le sens de l'équité que l'on pouvait avoir dans les bureaux. Il est évident que si on avait véritablement un traître, et si ce traître n'était pas Dreyfus, c'était quand même le rôle de Picard de dénoncer cet autre traître et de le faire arrêter. Absolument. Donc de casser le procès Dreyfus. Non, et ça justement, c'est assez amusant. C'est précisément ce que l'état-major ne lui a pas permis de faire. Parce que l'état-major, à ce moment-là, je dis bien au moment où on commence à parler d'Esterhazy, ne tient pas à couvrir Esterhazy. Et le réflexe admirable du général Gons à Picard, ce n'est pas de dire « laissez les choses en l'état, laissez courir Esterhazy », pas du tout. Il lui dit « mais écoutez, contre votre Esterhazy, vous m'apportez un dossier, disons, des plus minces, comme je le disais il y a une seconde, une deuxième expertise en écriture. Mais si vous pouvez lui mettre la main au collet, mais continuez bien sûr à le surveiller, si vous pouvez me l'épingler, parfait, bouclons-le, ça fera une canaille de moins. » Mais comment expliquer l'acquittement d'Esterhazy alors? Ah mais c'est beaucoup plus tard, oui, c'est un an après, alors les choses ont évolué. Il y a quand même un enchaînement assez curieux. Mais... ah parce que là, il y a où Esterhazy ou Dreyfus? Mais le problème, où Esterhazy est un martyr, où Dreyfus est un martyr, ne se pose que beaucoup plus tard. Et là, c'est pour ça que quand on découvre la lettre où Esterhazy exprime son désir véhément de voir les Uhlans sabrer les Parisiens après une victoire, naturellement, les partisans d'Esterhazy sont ennuyés. Oui, il y a eu un retournement très net à ce moment-là, ça c'est beaucoup plus tard. Mais enfin, l'idée essentielle de l'état-major... quand Picard commence à faire ses instances pour la révision, c'est de lui dire « il n'est pas question, c'est le terme même employé par le général Gons, de substituer Esterhazy à Dreyfus. Dreyfus est à l'île du diable, il est condamné, il y reste et nous ne voulons pas rouvrir un dossier gênant pour beaucoup de monde. Ceci dit, si vous trouvez un moyen, encore une fois, d'épingler Esterhazy, mais faites-le, vous êtes libre. Et au contraire, nous vous y encourageons. » Oui, mais alors là, nous nous trouvons tout de même devant les hypothèses de plusieurs de nos confrères, qui est l'attitude de Gons s'explique parce que la personne qui désirait couvrir n'était pas Esterhazy. Je crois. Mais évidemment, supposons, pour mettre les choses à l'extrême, que c'était le président de la République. Eh bien, naturellement, alors là, on comprend que ça l'embête de faire une affaire à la Cour de cassation et puis de traduire le président de la République en conseil de guerre. Oui, mais alors là, nous sommes un tout petit peu dans un cercle vicieux. C'est une autre hypothèse. Alors, il faudrait supposer une nouvelle erreur et que finalement, ce ne soit pas Esterhazy, on s'engagerait dans toutes les histoires de troisième homme, etc. Mais Vraiment, il me semble absolument impossible à l'heure actuelle, contre toute évidence, de nier qu'Esterhazy ait été en relation avec Schwarzkoppen, que le bordereau soit de sa main. On a retrouvé tout récemment en Allemagne une autre lettre, jusque-là inconnue, d'Esterhazy à Schwarzkoppen, qui était de la même écriture, qui était sur le même papier plure que le bordereau et qui a été écrite à peu près 4 à 5 jours après. Eh bien, tout ceci prouve à l'évidence, sans aller dans trop de détails, disons, qu'Esterhazy était en relation coupable avec Schwarzkoppen. Non mais ça, je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de question. Gons ne pouvait désirer sauver cet homme que s'il avait eu, comme vous le disiez tout à l'heure, un autre homme à couvrir. Mais c'est reculer le problème. Et le jour où on nous aura montré cet homme-là, eh bien alors à ce moment-là... On ne nous le montre pas du tout, je n'en ai pas la plus petite idée. Mais il y a un proverbe qui est « errare humanum est, perseverare diabolicum ». Autant l'attitude de l'état-major et du ministère de la guerre en 94. Se comprend. Ce sont des gens qui se trompent. Ce qui m'arrive au moins une fois par jour. Mais autant on comprend mal l'attitude en 96, et d'ailleurs à ce moment-là, on est vraiment obligé de se référer au climat passionnel, en somme, au fait que tout le monde devient fou, pour comprendre que l'état-major ne se dise pas, en tout cas, ça ne peut pas aller comme ça. Mais croyez-vous qu'on ne trouverait pas dans l'histoire un certain nombre de diaboliques persévérances de ce genre ? Où les gens s'obstinent dans une erreur qui, rétrospectivement, paraît absurde ? Mais pourquoi, à votre avis, sont-ils obstinés ? Parce que finalement, c'est quand même la question fondamentale que vous êtes posée dans votre livre. Parce qu'au début, une fois la personne d'Esterhazy découverte, ils ont voulu couvrir l'honneur de Mercier et cacher la forfaiture de Mercier. Et que par une espèce d'engrenage, ils ont été forcés de faire ou de laisser faire, quand je dis « il », c'est très vaste, n'est-ce pas ? De faire ou de laisser faire d'autres irrégularités, comme par exemple le faux Henri, pour couvrir la première. Et que, on a eu ainsi un entraînement tout à fait classique, que au fur et à mesure que les choses avançaient, plus on faisait de choses répréhensibles pour dissimuler la première, plus c'était impossible de l'avouer. Mon scepticisme naturel me fait douter un tout petit peu qu'il y ait eu autant de fidélité et d'amitié autour de Mercier dans les milieux d'état-major qui, en 94, le vomissaient. D'autre part, je me rappelle le portrait de Mercier par Proust. Il fait vraiment pauvre homme. Autant certains portraits de généraux au cours du procès Zola sont étincelants, que ce soit ceux de Proust ou d'autres. Autant, le portrait de Mercier, c'est vraiment peu de choses. Et justement, je sais que je ne me suis pas accordé avec M. Giscard d'Estaing dans une émission précédente sur le même sujet, parce que il voulait conférer à Mercier une sorte d'extraordinaire grandeur d'homme qui n'hésitait ni devant le crime, ni devant les pires risques personnels pour couvrir le secret du 75. Et je dois dire que je n'ai pas été convaincu. Moi non plus, pas plus que vous en ce qui concerne la grandeur du rôle de Mercier et de son caractère en général. Mais il n'en reste pas moins que c'était un général qui avait donné des preuves de compétence dans beaucoup de domaines, qui avait été ministre de la guerre. Dans quelle mesure l'ancien état-major Boisdeffre Gons lui était-il intimement dévoué ? Il serait bien difficile de le dire, mais on peut tout de même penser que leur réaction a été que le déshonneur d'un ministre et d'un officier rejaillirait sur tout l'état-major. Et tout de même, je veux bien que la communication du dossier secret ait été une décision initialement de Mercier, et par conséquent la forfaiture de Mercier. Il y avait tout de même eu beaucoup de gens qui s'y trouvaient mêlés dans l'état-major. C'est pas Mercier qui avait constitué le dossier lui-même. Par conséquent, on pouvait penser que chez certains de ces officiers qui avaient eux-mêmes participé dans une certaine mesure directe ou indirecte à la condamnation de 94 de Dreyfus, eh bien, ma foi, ils ne leur en seraient pas tenu gré dans l'opinion. En tout cas, je crois que nous sommes ici au centre du mystère de l'affaire Dreyfus. Il est évidemment curieux que la solidarité militaire, qui joue si peu en faveur de Dreyfus, joue tellement en faveur de Mercier, malgré la différence de grade. Je crois que ce qui pourrait peut-être éclairer tout cela, c'est la façon même dont vous présentez cette machinerie. Il est évident que cela part quand même d'une nouvelle guerre d'espionnage qui est inaugurée par Sander. Une tentative pour intoxiquer les Allemands. Dans votre livre, vous avez pu écrire tout un chapitre sur cet espionnage de la Belle Époque. Ne doit-on pas tenir compte aussi de cela, de cette situation particulière? Parce qu'à partir de cette généralisation des faux documents, des faux témoignages qui étaient envoyés à l'ambassade d'Allemagne, il est évident que l'affaire Dreyfus prend quand même un autre sens. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, en effet, comme vous le dites, Sander, je crois vraiment que c'est lui l'inventeur de l'intoxication, tout au moins on peut l'en créditer jusqu'à plus ample informé, avait organisé un réseau de pseudo-traîtres qui renseignaient les Allemands, peut-être aussi d'autres pays, mais spécialement les Allemands, parce que à ce moment-là, c'était manifestement sur le plan militaire avec l'Allemagne que tout se débattait, qui avait organisé un réseau qui gavait les Allemands de fausses informations. C'était des civils, de faux voyageurs de commerce, de faux employés du ministère de la guerre, qui, recrutés, se laissant recruter, enfin par un procédé classique, par Schwarzkoppen, ne lui apportaient en fait, en réponse aux questions qu'il leur posait, que des réponses qui avaient été soigneusement préparées à la section de statistiques. Naturellement, ça c'est un travail, je pense que c'est encore la même chose aujourd'hui, bien que je n'ai pas beaucoup d'expérience des services secrets, c'est un travail qui est manifestement complexe. Il ne faut pas se couper. Il faut que les fausses informations restent fausses, naturellement, autrement on ferait le travail de l'ennemi, mais en même temps, les laisser tout de même juste assez vraisemblables pour pouvoir le tromper ou l'engager sur une fausse piste. Il faut recouper tout cela. Il y avait à la section de statistiques, en particulier à l'époque, le commandant Henri et surtout le commandant Loth, dont c'était une partie importante du travail. Et le bordereau faisait-il partie de cette entreprise de poudre aux yeux ou était-ce une pièce compromettante? Je crois que le bordereau ne faisait pas du tout partie de cette entreprise, mais en revanche que le bordereau est venu apporter à la section de statistiques la preuve qu'un autre informateur renseignait Schwarzkoppen sur les questions dont la section de statistiques savait parfaitement qu'elle l'intéressait. Alors, vous imaginez naturellement la réaction de Sander, qui voit, d'une part, les renseignements faux fabriqués par lui arriver à Schwarzkoppen, et qui a brusquement la révélation que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas donne à Schwarzkoppen des renseignements sur ces mêmes sujets, lesquels, puisqu'il ne connaît pas l'informateur, ont toute chance de ne pas être truqués. Alors naturellement, il est très ennuyé. Oui, il est certain que le grave point d'interrogation, c'est que nous non plus, nous ne connaissons pas ce quelqu'un. Maintenant, ne peut-on pas penser aussi que le bordereau était une pièce également truquée et que, intenté, enfin, c'est finalement l'hypothèse de Paléologue et l'hypothèse de Giscard d'Estaing, intenter un procès à Dreyfus, c'était justifier l'ensemble de ces pièces qui intoxiquaient les Allemands? Moi, je ne le crois absolument pas. D'abord parce que vraiment l'examen du bordereau montre de la façon la plus évidente, si on le compare à quantité d'autres documents d'Esterhazy de la même époque, que ce n'était pas un document fabriqué ni truqué, et que d'autre part, je n'arrive pas à comprendre si c'était un document envoyé à Schwarzkoppen en accord avec, par exemple, Sander, pourquoi, finalement, on serait retombé sur Dreyfus? Étant donné que nous avons posé tout à l'heure comme postulat, que je crois vraiment démontrer maintenant, voilà, il faudrait reprendre toute l'affaire, que Dreyfus n'était pour rien dans cette histoire et était parfaitement innocent. Je crois qu'il faudrait que Marcel Thomas nous parle un petit peu d'Esterhazy, puisque ce personnage, vous lui avez consacré le premier chapitre de votre livre. Vous le mettez donc en évidence dans cette affaire. En même temps, vous dites que c'est un personnage très difficile à saisir, qui a constamment accumulé le vrai et le faux. Il y a une mythomanie considérable dans tout son jeu. Vous, historien, après cette longue enquête sur tous les documents que nous avons de la main d'Esterhazy, quelle idée avez-vous de lui? C'est un personnage extrêmement curieux. C'est un personnage peu intéressant, peu sympathique. Comme vous le disiez il y a un instant, c'est à la fois un mythomane, un rableur, un menteur congénital. Et évidemment, on est embarrassé pour cerner exactement son rôle, parce que chaque fois qu'il dit quelque chose, on peut être certain que ça n'est jamais l'absolue vérité. Chaque fois qu'on peut faire un recoupement, on découvre ou bien qu'il s'agit d'un mensonge complet et systématique, ou bien qu'il s'agit d'une distorsion, d'un changement d'éclairage, des faits, tels que c'est véritablement, ça relève de la psychanalyse. Et je crois d'ailleurs que c'est, dans une certaine mesure, une grande explication du rôle d'Esterhazy dans cette affaire. Je crois qu'il fallait qu'il y eût un Esterhazy, parce que, à partir du moment où il a été découvert, sa mythomanie a pu se donner libre cours, et sa ruse, car c'était un homme fort intelligent, a pu précisément contribuer, par ses campagnes de presse, par les appuis qu'il avait ici ou là, par ses demi-révélations toujours contredites, etc., a accrédité dans l'esprit des gens, dont parlait M. Berle tout à l'heure, cette idée qu'il y avait dans cette affaire des dessous extraordinaires et que la raison, la logique pure, ne suffisait pas à tout expliquer. Autrement dit, Esterhazy a réussi à faire des écrans de fumée dans tous les sens. Et à ce point de vue-là, son rôle a été très considérable. Esterhazy aurait été moins intelligent, moins fuyant. Je crois que l'entreprise de l'état-major pour le sauver n'aurait pas pu réussir. Mais ne croyez-vous pas que le côté fuyant d'Esterhazy, qui dans une certaine mesure favorisait les desseins de l'état-major, qui étaient surtout de ne pas ébruiter l'organisation et la machinerie qu'ils avaient mis au point. Il est évident que si l'affaire Dreyfus venait clairement devant une cour qui ferait toute la lumière, toute la vérité, comme le voulait Zola, c'était démonter un mécanisme laborieusement mis au point, qui fonctionnait, enfin qui a fonctionné d'ailleurs pendant tout le déroulement de l'affaire encore, puisque je crois qu'on a continué à intoxiquer les Allemands. Oui, ça, je ne crois tout de même plus qu'à partir de 96-97, au moment où le nom d'Esterhazy a été lancé sur la place publique, et où il y a eu toutes les histoires extraordinaires des campagnes de presse d'Esterhazy, des lettres au président de la République, enfin la période qu'on a appelée la collusion, à ce moment-là, il n'était plus question de cacher les entreprises de Sander, enfin, on ne tenait pas à les exposer sur la place publique, mais c'était annexe. Seulement, il s'est passé quelque chose quand on regarde le mécanisme, alors là-dessus, il n'y a rien de mystérieux, nous avons tous les papiers, tous les documents possibles. Il est très intéressant de voir comment Esterhazy, qui après tout n'était pas un génie, qui était un officier relativement médiocre dans son métier, mais qui avait encore une fois un certain don, a réussi à mettre l'état-major, ou tout au moins les émissaires de l'état-major, dans sa poche. C'est absolument extraordinaire. La collusion, primitivement, qu'est-ce que c'est? C'est au moment où on a peur, où on sait que les amis de Dreyfus vont d'un jour à l'autre, probablement, renseigné par Picard, pense-t-on, dénoncer Esterhazy, donc créer un scandale que l'on veut étouffer, du haut en bas, du gouvernement, ça s'est débattu au gouvernement, dans le ministère, on ne veut pas de scandale sur l'affaire Dreyfus. À ce moment-là, on se dit, cet Esterhazy, qui est un personnage douteux, agité, un vibrion, va nous faire peut-être des histoires. Si par hasard, dénoncé publiquement, il prend peur, s'il fiche le camp à l'étranger, à ce moment-là, nous aurons bonne mine. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Beaucoup plus tard, oui. Beaucoup plus tard. Alors, l'idée de l'état-major, du général Gonse surtout, c'est il faut encadrer Esterhazy, il faut l'empêcher de faire des bêtises, nous allons le guider, etc. Alors, c'est la fameuse histoire de Dupaty de Clam qui va le trouver avec une fausse barbe, d'Henri qui joue dans la coulisse un jeu compliqué pour à la fois canaliser Dupaty de Clam qui est quelquefois un peu agité et Esterhazy, et puis c'est surtout le jeu d'Esterhazy. Esterhazy profite de la situation et en réalité, c'est lui qui manœuvre ceux qui sont censés le canaliser et qui accumule à ce moment-là, et c'est très important pour la suite de l'affaire, qui accumule une série de preuves évidentes des rapports de l'état-major avec lui. Si bien que quand un peu plus tard le poteau rose sera découvert, il pourra par inférence, dans ses affabulations, rejeter jusque vers 94 une soi-disant complicité qui en fait n'a existé qu'en 96-97. De là, ce doute, cet écran de fumée, et que, encore à l'heure actuelle, beaucoup de gens se disent, mais après tout, pour avoir été si bien protégé en 96-97, est-ce qu'Esterhazy ne l'était pas déjà en 94? Personnellement, je suis étonné que l'état-major français ait mis une telle âpreté à soutenir une cause qui savait très bien être mauvaise, et pour peu qu'il ait eu de lucidité, qui savait perdu. Alors, malgré tout, du point de vue de l'armée française, qui est en somme l'essentiel pour un chef militaire digne de ce nom. Je crois que la révision et la condamnation éventuelle d'Esterhazy, même s'il le fallait celle de Mercier, qui tout de même pouvait dire on m'a trompé, était tout de même beaucoup moins grave que le véritable drame que l'affaire Dreyfus a créé au sein de cette armée. Mais je suis entièrement de votre avis. Le général Billot, le successeur de Mercier au ministère de la guerre, au moment où Picard lui a, par la voie hiérarchique, apporté ses révélations sur l'erreur commise, a beaucoup hésité. La révision, à ce moment-là, a probablement tenu à un cheveu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu deux nouvelles irrégularités. Le faux Henri, irrégularité connue de beaucoup, enfin de beaucoup, d'un tout petit groupe, mais connue pour tel, je le pense, moi, dès l'origine, qui a été faite pour peser sur la décision du ministre, auquel on a essayé, et ça nous le savons de la façon la plus précise, non pas l'état-major tout entier, parce que l'état-major tout entier n'était pas au courant de tout ce qui se passait, c'est un très petit groupe. C'est, à l'intérieur de la section de statistiques, les anciens de Sander qui n'aiment pas le nouveau chef qui est Picard, et à l'intérieur de l'état-major, c'est fondamentalement le général Gonse, sous-chef d'état-major, et le général de Boisdeffre, qui étaient déjà à la même place un an avant. Ce sont ceux-là qui ont été les adversaires de la révision. C'est toute cette petite équipe, je maintiens que c'est une petite équipe, qui a pesé sur Billot. Billot a hésité, il a pris la mauvaise décision. Oui, alors pour moi, n'est-ce pas, la scamaillerie de 96 ne m'étonne pas de la part de gens qui subordonnaient à Picard, même pas Picard. Mais il s'est trouvé tout de même dans ce milieu des généraux qui se sont comportés dans l'ensemble de leur vie comme des personnages d'une très haute moralité. N'est-ce pas? Quand on pense à la fin du chef de l'état-major, à la fin du général Pellieu, à la fin de Dupatit Clam qui a été héroïque, qui n'ait pas eu le courage de dire, ben quoi, puisque cette pièce est fausse, elle l'est. C'est évidemment hallucinant. Oui, c'est chaque fois que l'on se heurte à une fausse raison d'État ou à une pseudo-raison d'État. Il me semble que dans un passé beaucoup plus récent, on pourrait trouver des comparaisons. Maintenant, je crois aussi que nous sommes entraînés à la sottise. Parce que nous parlons comme si nous étions raisonnables de gens qui ne l'étaient plus. Il faut penser qu'on est arrivé à un point de délire tel qu'il s'est trouvé des officiers supérieurs français qui avaient une grande culture, une grande moralité, etc., pour se faire rabrouer par la princesse Mathilde en disant cette chose absolument folle qui avait des lettres personnelles de l'empereur Guillaume II à Dreyfus, lequel était un petit capitaine juif à sa solde. Et quand la princesse Mathilde a dit « Écoutez, je ne peux pas croire une chose pareille, je sais tout de même à la fois ce que c'est qu'un espion et ce que c'est qu'un empereur. » Eh bien, elle n'est pas arrivée à entraîner la conviction. L'élément passionnel, n'est-ce pas, qui s'est introduit dans l'opinion est considérable. Et tout de même, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, peut-être pour expliquer certaines sottises ou certains aveuglements. Nous n'en avons pas encore parlé. Parce que dans la première phase de l'affaire, ça n'a peut-être pas joué un rôle déterminant, mais ça a joué certainement un rôle considérable un peu plus tard, c'est l'antisémitisme. Tout à l'heure, quand on disait « Pourquoi, après tout, aurait-on hésité à laisser, on peut dire, déshonorer un général français coupable, à savoir Mercier ?» Il fallait voir la réaction dans l'état-major, la mise en équilibre, si vous voulez, de ce général, ancien ministre de la guerre, général de corps d'armée, etc., avec un petit capitaine d'artillerie, et de surcroît, qui était juif. C'est tout de même quelque chose qui a joué contre Dreyfus à l'origine. Moi, je ne suis pas absolument persuadé que si le capitaine X, auquel, par l'ingénieuse déduction de d'Aboville, on attribuait la paternité du bordereau, s'était appelé Dupont ou Durand, on n'y aurait pas regardé de beaucoup plus près. Moi, je crois que la grande leçon de l'affaire Dreyfus, c'est que l'antisémitisme peut rendre fou. Et d'ailleurs, l'affaire Dreyfus n'est pas le seul cas où l'antisémitisme est mené à la folie. Tant qu'il reste antisémitisme, ça va. quand il devient la voie qui mène à la folie complète, ça devient évidemment très ennuyeux. Après ce que viennent de nous dire Marcel Thomas, conservateur en chef à la Bibliothèque nationale et auteur de « L'affaire Saint-Dreyfus », un livre publié chez Fayard, et Emmanuel Berle, je crois qu'il faudrait insister sur l'autre clan, c'est-à-dire non plus maintenant parler de l'état-major, mais de tout le groupe qui a essayé d'établir l'innocence de Dreyfus. Et cette fois, en citant des textes, je voudrais évoquer l'équipe qui, autour de Mathieu Dreyfus, le frère inébranlable, le frère aîné de l'accusé, créa le dreyfusisme et dirigea la bataille et finalement la gagna. Vous avez entendu tout à l'heure des extraits du journal tenu par Mathieu Dreyfus et publié par Robert Gauthier dans la collection Archives. Jusqu'à la pétition envoyée par Lucie Dreyfus, la femme de l'accusé, le 14 septembre 1896, au président de la Chambre des députés, c'est-à-dire 2 ans après l'arrestation de Dreyfus, jusqu'à cette époque, la famille Dreyfus vécut isolée. « Nos amis compatissaient à notre malheur, écrit Mathieu Dreyfus, mais ils évitaient de manifester ouvertement leur sympathie. » Un homme, pourtant, abandonna dès 1895 cette attitude prudente. C'est Bernard Lazare qui, dès février 1895, rencontra Mathieu Dreyfus. Qui était Bernard Lazare? C'était un grand critique de l'époque. Il dirigeait une revue, les Entretiens politiques et littéraires. Militant socialiste dans les rangs guédistes, il avait quitté ce parti en 1893 pour suivre les groupes locaux et individualistes qui étaient dans la ligne de Proudhon, le père de l'anarchie, comme on disait alors. Le progrès de l'antisémitisme en France força Bernard Lazare à répandre les idées d'antiracisme et dès 1894, il fit paraître un important travail sur l'antisémitisme et son histoire. C'est en suivant ce chemin que Bernard Lazare, dès l'été 1895, écrivit une première brochure où il prenait toutes les charges du procès, les discutait et établissait par les documents, logiquement, irréfutablement, l'innocence de Dreyfus. En fait, pour des raisons d'opportunité, cette brochure ne parut que le 6 novembre 1896, imprimée en Belgique à 3500 exemplaires. Voici l'extraordinaire portrait de Bernard Lazare que Peggy a tracé dans notre jeunesse. Je vois encore sur moi son regard de myope, si intelligent et ensemble si bon, d'une si invincible, si intelligente, si éclairée, si éclairante, si lumineuse douceur, d'une si inlassable, si renseignée, si éclairée, si désabusée, si incurable bonté. Parce qu'un homme porte un binocle bien planté sur un nez gras, barrant, vitrant deux bons gros yeux de myope, le moderne ne sait pas reconnaître. Il ne sait pas voir le regard, le feu allumé il y a 50 siècles. Mais moi, je l'ai approché. Seul, j'ai vécu dans son intimité et dans sa confidence. Il fallait écouter, il fallait voir cet homme qui, naturellement, se croyait un moderne. Il fallait regarder ce regard, il fallait entendre cette voix. Naturellement, Il était très sincèrement athée. Ce n'était pas alors la métaphysique dominante seulement, c'était la métaphysique ambiante, celle que l'on respirait, une sorte de métaphysique climatérique, atmosphérique, qui allait de soi, comme d'être bien élevé. Et en outre, il était entendu, positivement, scientifiquement, victorieusement, que ce n'était pas, qu'elle n'était pas une métaphysique. Il était positiviste, scientifiste, intellectuel, moderne, enfin tout ce qu'il faut. Surtout, il ne voulait pas entendre parler de métaphysique. Un de ses arguments favoris, celui qu'il me servait toujours, était qu'Israël, étant de tous les peuples celui qui croyait le moins en Dieu, c'était évidemment celui qu'il serait le plus facile de débarrasser des anciennes superstitions. Et ainsi, ce serait celui qui montrerait la route aux autres. L'excellence des Juifs était, selon lui, venait de ce qu'ils étaient, comme d'avance, les plus libres penseurs, même avec un trait d'union. Et là-dessous, et là-dedans, un cœur qui battait à tous les échos du monde, un homme qui sautait sur un journal et qui, sur les 4 pages, sur les 6, 8, sur les 12 pages, d'un seul regard, comme la foudre, saisissait une ligne, et dans cette ligne, il y avait le mot « juif ». Un être qui rougissait, pâlissait, un vieux journaliste, un routier du journalisme, qui blêmissait sur un écho qu'il trouvait dans ce journal, sur un morceau d'article, sur un filet, sur une dépêche, et dans cet écho, dans ce journal, dans ce morceau d'article, dans ce filet, dans cette dépêche, il y avait le mot « juif ». Un cœur qui saignait dans tous les ghettos du monde, et peut-être encore plus dans les ghettos rompus, dans les ghettos diffus, comme Paris, que dans les ghettos conclus, dans les ghettos forclus. Un cœur qui saignait en Roumanie et en Turquie, en Russie et en Algérie, en Amérique et en Hongrie, partout où le juif est persécuté. C'est-à-dire, en un certain sens, partout. Un cœur qui saignait en Orient et en Occident, dans l'islam et en chrétienté. Un cœur qui saignait en Judée même, et un homme en même temps qui plaisantait les sionistes. Ainsi est le juif, un tremblement de colère, et c'était, pour quelque injure, subi dans la vallée du Dniepre. Aussi ce que nos puissances ne voulaient pas savoir, qu'il fût le prophète, le juif, le chef, le dernier colporteur juif, le savait, le voyait, le plus misérable juif de Roumanie. Un tremblement, une vibration perpétuelle, tout ce qu'il faut pour mourir à 40 ans. Pas un muscle, pas un nerf qui ne fût tendu pour une mission secrète, perpétuellement vibré pour la mission. Jamais homme ne se tint à ce point chef de sa race et de son peuple, responsable pour sa race et pour son peuple, un être perpétuellement tendu, une arrière-tension, une sous-tension inexpiable. Pas un sentiment, pas une pensée, pas l'ombre d'une passion qui ne fût tendue, qui ne fût commandée par un commandement vieux de 50 siècles, par le commandement tombé il y a 50 siècles. Toute une race, tout un monde sur les épaules, une race, un monde de 50 siècles sur les épaules voûtées, sur les épaules rondes, sur les épaules lourdes, un cœur dévoré de feu, du feu de sa race, consumé du feu de son peuple, le feu au cœur, une tête ardente et le charbon ardent sur la lèvre prophète. C'est Bernard Lazare qui, pendant toute l'année 1896-1897, par des démarches répétées, amena des convictions et des appuis pour le malheureux Dreyfus. Tout de suite, Bernard Lazare fut aidé par Lucien Herr, bibliothécaire de l'École normale supérieure, Lucien Herr dont Léon Blum a écrit qu'il allait susciter et diriger le mouvement des intellectuels quittant la paix des laboratoires ou des cabinets pour se jeter dans la bataille dreyfusiste. Et parmi ces intellectuels, il y avait Jaurès, Péguy, Léon Blum, Charles Seignobos, Charles Andler. Mais Bernard Lazare avait aussi entrepris de mobiliser des écrivains dont l'adhésion pouvait faire impression, François Coppé et Émile Zola. Coppé allait passer en décembre 1898 dans le clan opposé, il fut en effet l'un des fondateurs de la Ligue de la Patrie Française, mais Zola, rebuté d'abord par cette affaire judiciaire, fut soulevé de colère au moment du procès et de l'acquittement d'Esterhazy. On sait maintenant, par les impressions d'audience de Zola, publiées par Jacques Kayser dans la revue La Nef en février 1948, et qui seront reproduites dans le tome 13 des œuvres complètes de Zola qui paraissent au Cercle du Livre Précieux, on sait comment Zola fut amené à écrire J'accuse, l'article de l'aurore du 13 janvier 1898, article qui allait bouleverser Paris en une journée, Paris et le monde, d'autant plus que le 7 février 1898 commençait le procès en diffamation intenté à Zola par le ministre de la guerre, procès où Zola sera condamné à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende, jugement cassé ensuite pour vice de forme, et quand le 18 juillet le procès reviendra devant les assises de Versailles, Zola devra quitter le soir même la France pour l'Angleterre afin d'éviter que le jugement ne lui soit signifié. Voici ce qu'écrit, dans ses impressions d'audience, ce qu'écrit Émile Zola au sujet de la lettre J'accuse et du procès lui-même tel qu'il a voulu le conduire. J'écris donc ma lettre au président de la République. J'explique comment elle est sortie de moi en un cri. Je choisis un journal au lieu d'une brochure pour me faire faire un procès de presse. D'autre part, j'en avais parlé à Clémenceau et comment il a failli me prendre mon idée. Tout a été calculé par moi, je m'étais fait donner le texte de la loi, je savais ce que je risquais. Et plus loin, Zola écrit encore, nous voulions dire en haut lieu que nous savions tout. Je répétais, je n'ai qu'une peur, celle d'avoir trop raison, et combien cette parole s'est justifiée. Mon inquiétude aussi d'acculer les gens, cela est très dangereux. Déjà, les deux conseils de guerre. Et si j'étais condamné, le nœud se serrant davantage. Bien expliquer mon intention, donner simplement une occasion de se manifester. Mon procès n'était qu'une occasion de dérouler toute l'affaire en pleine lumière. Mon sacrifice était fait, je répétais à la Borie, vous ne me défendrez pas, vous tâcherez seulement de faire le plus de lumière possible sur la condamnation de Dreyfus et sur l'acquittement d'Esterhazy. Il m'a écouté, je lui en suis profondément reconnaissant. D'ailleurs, la vérité totale aurait entraîné mon acquittement. Nous savions bien qu'on nous empêcherait le plus possible de faire cette vérité et nos désirs se bornaient un minimum. Nous avions réduit notre action à souhaiter de prouver qu'une pièce tenue secrète avait été communiquée en conseil de guerre et à prouver aussi que le bordereau était bien d'Esterhazy. Notre plan de campagne uniquement conçu pour atteindre ces deux résultats. Et je crois que nous avons réussi. Notre succès a dépassé notre espérance, car nous attendions à ce que l'affaire serait étranglée plus encore. Le premier jour, nous sommes arrivés à l'audience en nous sentant dans un inconnu total, prêts à tout, nous attendant au pire, à l'étranglement net et décisif, la presse immonde, l'opinion publique soulevée, les manifestations préparées. Eh bien, après ces notes d'audience de Zola, dont je viens de donner lecture, écoutez un fragment de J'accuse, lu par Jean Topard. Comment a-t-on pu espérer qu'un conseil de guerre défrait ce qu'un conseil de guerre avait fait? Je ne parle même pas du choix toujours possible des juges. L'idée supérieure de discipline, qui est dans le sang de ces soldats, ne suffit-elle à infirmer leur pouvoir même d'équité? Qui dit discipline dit obéissance. Lorsque le ministère de la guerre, le grand chef, a établi publiquement aux acclamations de la représentation nationale l'autorité absolue de la chose jugée, vous voulez qu'un conseil de guerre lui donne un formel démenti? Hiérarchiquement, c'est impossible. Le général Billot a suggestionné les juges par sa déclaration, et ils ont jugé comme ils doivent aller au feu, sans raisonner. L'opinion préconçue qu'ils ont apportée sur leur siège est évidemment celle-ci. Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre. Il est donc coupable. Et nous, conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer innocent. Or, nous savons que reconnaître la culpabilité d'Esterhazy, ce serait proclamer l'innocence de Dreyfus. Rien ne pouvait les faire sortir de là. Ils ont rendu une sentence inique qui à jamais pèsera sur nos conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous leurs arrêts. Le premier conseil de guerre a pu être inintelligent, le second est forcément criminel. Son excuse, je le répète, est que le chef suprême avait parlé.

Au fond, l'affaire avait bouleversé la France, épuisé ses forces. Elle s'était agitée dans la recherche désespérée d'une vérité qu'on lui cachait ou qu'on ne voulait ou pouvait lui dire. Le destin tragique de Dreyfus, raconté par les mille voix de la presse, avait attendri tout le monde, mais le dreyfusisme était resté l'affaire d'une minorité de minorités. Et la preuve, on la trouve dans le récit que donne Charles Péguy dans les cahiers de la quinzaine du 5 janvier 1900, du grand défilé organisé le 19 novembre 1899 par les groupements populaires, les syndicats, les sociétés professionnelles, pour célébrer l'inauguration du triomphe de la République de Daloue. À mesure que la fête se développait, énorme, la pensée du robuste Jaurès revenait parmi nous. Quand nous chantions « Vive Jaurès !», la foule et le peuple des spectateurs nous accompagnaient d'une immédiate et chaude sympathie. Jaurès a une loyale, naturelle et respectueuse popularité d'admiration, d'estime, de solidarité. Les ouvriers l'aiment comme un simple et grand ouvrier d'éloquence, de pensée, d'action. L'acclamation au nom de Jaurès était pour ainsi dire de plein pied avec les dispositions des assistants. Continuant dans le même sens, plusieurs commencèrent à chanter « Vive Zola !». Ce cri eut un écho immédiat et puissant dans le cortège, composé de professionnels habitués dès longtemps à se rallier autour du non-protagoniste. Mais la foule eut une légère hésitation. C'est pour cela que nous devons garder à Zola une considération, une amitié propre. Il faut que cet homme ait labouré bien profondément pour que la presse immonde ait porté contre lui un tel effort de calomnie que même en un jour de gloire, la foule, cependant bienveillante, eut comme une hésitation à saluer le nom qu'elle avait maudit pendant de longs mois. Cela est une marque infaillible. Voulant sans doute pousser l'expérience au plus profond, quelques-uns commencèrent à chanter « Vive Dreyfus !» Un cri qui n'a pas retenti souvent, même dans les manifestations purement dreyfusardes. Ce fut extraordinaire. Vraiment, la foule reçut un coup, eut un sursaut. Elle ne broncha pas, ayant raisonné que nous avions raison, que c'était bien cela. Même elle acquiesça. Mais il avait fallu un raisonnement intermédiaire, une ratification raisonnée. Dans le cortège même, il y eut une légère hésitation. Ceux-là même qui avaient lancé ce cri sentirent obscurément qu'ils avaient lancé comme un défi, comme une provocation. Puis nous continuâmes avec acharnement, voulant réagir, manifester, sentant brusquement comme l'acclamation au nom de Dreyfus, l'acclamation publique, violente, provocante, était la plus grande nouveauté de la journée, la plus grande rupture, la plus grande effraction de sceau de ce siècle. Aucun cri, aucun chant, aucune musique n'était chargée de révolte, enfin libre, comme ce vive Dreyfus. Il reste à préciser l'influence de l'affaire Dreyfus sur la diplomatie française, et surtout sur l'armée, sur les plans de l'état-major, puisque le papier remis par le traître à Schwarzkoppen livrait à l'ennemi des renseignements sur l'artillerie et les modifications apportées au plan 12 concernant les troupes dites de couverture, troupes qui étaient chargées, au début des hostilités, de couvrir la concentration du reste des armées pendant la mobilisation générale. A-t-on changé de politique et de stratégie en raison de l'affaire Dreyfus? C'est la question que j'ai posée à Henri Contamine, à qui je laisse la parole. L'affaire Dreyfus fait-elle partie du domaine de la grande histoire ou relève-t-elle surtout de l'anecdote? La question peut susciter l'étonnement. De Maurice Barrès à Jacques Bainville et à leurs successeurs, la littérature nationaliste n'a-t-elle pas constamment parlé de révolution dreyfusienne, de profonds bouleversements dans l'ordre du patriotisme et de la défense nationale? Et de l'autre côté, n'a-t-on pas souvent soutenu qu'au cri de justice et vérité, on avait ouvert une ère nouvelle? Pourtant, que d'objections à ces affirmations. Voici par exemple le cas de Charles Péguy. Après avoir vécu la crise de 1894-1906, en intellectuel socialiste luttant pour le redressement d'une injustice, l'écrivain en marche vers Notre-Dame de Chartres n'a-t-il pas répété sous des formes diverses que de la mystique, on était passé à une assez basse politique évolution dont Jaurès, cruellement attaqué dans ses cahiers de la quinzaine, lui paraissait un symbole. Voici le cas de Joseph Reynac, historien passionné du drame qu'avait vécu son coreligionnaire le capitaine Alfred Dreyfus, et par là accusateur de l'état-major, et considéré à droite comme un porte-parole du syndicat juif, n'est-il pas devenu en 1914-1918 le critique militaire polybe, défenseur d'un état-major qui avait très peu changé. Voici le cas de Clémenceau. Directeur du journal L'Aurore, il avait publié le J'accuse de Zola, il avait lutté contre les conseils de guerre, il avait indigné la plupart des officiers. C'est qu'il ne s'attendait pas à trouver en lui l'homme qui, tout en ironisant « la guerre est affaire trop sérieuse pour la confier aux militaires », proclamerait aussi « je fais la guerre », en traduisant les suspects de trahison ou de faiblesse devant les conseils de guerre ou la haute cour. Et à Joffre, à Sarail, généraux dont la carrière devait beaucoup pour Dreyfusard, le Tigre préféra des chefs qui semblent avoir plutôt penché de l'autre côté, Pétain, Foch, Mangin enfin, Mangin, dont la veuve née Cavaignac, appartient à une famille où la culpabilité de Dreyfus a eu des partisans jusqu'à notre époque. En résumé, ceux qui déplorèrent ou espérèrent que la crise morale de l'affaire diminuerait le poids de la raison d'État semblent être se tromper les uns et les autres. Pour placer ce drame judiciaire dans son véritable contexte, prenons l'exemple de la politique internationale. L'historiographie anti-Dreyfusarde, avec les officiers qui signaient Dutré-Crozon, avec Jean Héritier, a soutenu que le premier procès et la première révision s'étaient déroulés à une époque où de la tension franco-allemande, issue de 1870-1871, une guerre pouvait naître à tout moment. Selon le ministre de 1894, le général Mercier, il y aurait eu notamment une nuit particulièrement critique, la nuit historique. Il suffit de lire l'ouvrage solidement documenté de mon éminent collègue Maurice Beaumont aux sources de l'affaire pour découvrir que tout cela ne tient pas debout. Certes, les Français de l'extrême fin du 19e siècle et des premières années du 20e n'avaient pas oublié Alsace-Lorraine. Dans l'ensemble, ils n'auraient pas accepté que l'on construisît une politique commune franco-allemande. Il n'empêche qu'entre 1894 et 1904, l'idée de la revanche, l'idée de la reprise de Metz et de Strasbourg fut plus atténuée qu'en aucune autre période située entre leur perte et 1914. Entre Paris et Berlin, capitale ne pouvait toujours se rendre ni un ministre allemand ni un ministre français, des gestes de politesse s'esquissaient. Et de tous les autres du Quai d'Orsay, l'homme d'État le plus disposé à les accentuer fut Gabriel Anoto, titulaire du portefeuille des affaires étrangères de 1894 à 1898, sauf interruption de 6 mois. Notons d'ailleurs que si son collègue de la guerre, Mercier, avait écouté ses conseils d'historien, formés par l'étude des textes, il n'y aurait jamais eu l'affaire Dreyfus, la fragilité des bases de l'accusation étant reconnue. D'autre part, l'évolution de la majorité parlementaire vers la gauche, c'est-à-dire à l'époque vers le parti radical socialiste, conséquence apparente de l'affaire, n'empêcha pas le successeur d'Anoto, Théophile Delcassé, de poursuivre de 1898 à 1905 une grande action diplomatique, resserrement de l'alliance avec le tsar, rapprochement avec l'Angleterre et l'Italie, qui dressa à nouveau d'une manière aiguë la France contre l'Allemagne, l'Allemagne contre la France. Et le centre de tout cela, c'était toujours la raison d'État. À droite, on a répété, en suspectant la section de statistiques, c'est-à-dire le service des renseignements de l'armée, les partisans de la première et de la deuxième révision du procès Dreyfus ont commis un crime contre la défense nationale. Ceux-ci se lient notamment, sous la plume de les vainqueurs de 1918, le maréchal Franchet des Perret. Mais ce rude homme de guerre, ce sanglier, n'était pas un observateur impartial. Ne descendit-il pas de M. Franchet, le chef de la police de la Restauration, l'homme des ultra-royalistes, et de la congrégation. N'allait-il pas devenir, dans une note de patriotisme intransigeant à l'égard de l'Allemagne, le plus cagoulard de nos chefs de guerre, le plus hostile aux parlementaires, de cette Troisième République qu'il aurait volontiers renversée s'il avait été plus jeune et si un terrible accident ne l'avait pas cloué dans son fauteuil? En réalité, il ne semble pas que le grand état-major de Berlin ait vu plus clair dans les dispositifs français de mobilisation et de concentration après l'affaire Dreyfus qu'avant. En 1914, par exemple, ne restait-il pas à ignorer que depuis plusieurs années, il était prévu que s'il y avait un jour un corps expéditionnaire britannique, il débarquerait à Rouen et au Havre et irait vers Maubeuge. D'où le général von Kluck le chercha vers Ostende, d'où la perte de l'occasion de le détruire à Mons le 23 août. En sens inverse, rien ne prouve que nous ayons été mieux renseignés sur l'ennemi avant la pseudo-révolution dreyfusienne qu'après. C'est après cette crise que d'indications de détails non indications de détails, le deuxième bureau a été amené à penser que les Allemands du comte Schlieffen pénétreraient jusqu'en Belgique centrale, d'où une série d'articles inspirés dans les revues de vulgarisation, d'où peut-être l'histoire du Vengeur, dont il faut dire ici quelques mots. Selon l'ambassadeur paléologue, membre de l'Académie française, écrivain brillant, mémorialiste peu sûr, dont on a plaisanté par les quatre vers suivants, « Sitôt que sa verve s'allume, rien ne saurait plus l'arrêter », il prend son doigt pour porte-plume, avec son œil pour en crier. Eh bien, l'ambassadeur paléologue a écrit qu'un général prussien, mécontent d'un passe-droit, serait vengé de ses chefs en livrant tous leurs plans. Cette version paraît fort aventurée. Ne peut-on plutôt croire que ce vengeur a été inventé de toutes pièces par des officiers de notre deuxième bureau, désireux de donner plus de poids à une masse de renseignements obtenus goutte à goutte par les voies ordinaires de l'espionnage? Toujours est-il que le commandement français demeura incrédule à tort, et ceci jusqu'en 1914, quoi qu'on puisse lire à Vincennes, au service historique de l'armée qui est installé à l'abri de cette forteresse médiévale, bien des papiers qui prouvent que l'hypothèse d'une ruée allemande par l'ouest de la Meuse n'avait jamais été perdue de vue, bien après l'affaire Dreyfus. Seulement, ce ne pourrait être considéré que comme une hypothèse, ce qui explique comment Joffre a manœuvré et ce qui ne permet pas d'incriminer l'état-major aussi catégoriquement qu'on l'a souvent fait. Passons à l'évolution du système français de mobilisation. Dans un ouvrage bien documenté, mais contestable, J. Montaillier a jadis reproché aux militaires d'avoir préféré l'armée de caserne à la nation armée. Les militaires, c'est-à-dire la droite. On pourrait donc imaginer qu'avant l'affaire, l'état-major avait une doctrine rétrograde et qu'après, sous l'influence du ministre Dreyfusard, le général André en tête, on avait réagi en faveur des thèses chères à la gauche, en faveur du soldat citoyen. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Le plan qui a prévu le maximum d'emploi des réserves est le plan 13 de 1895, le plan aux 42 divisions d'actives, aux 33 divisions de réserves. Les noms qui y sont associés sont d'abord, certes, celui de M. Freycinet, un des organisateurs de la défense nationale en 1870, mais aussi ceux des généraux de Miribel et de Bois d'Effre. Bois d'Effre, un des chefs hostiles à Dreyfus, Bois d'Effre qui démissionna à la première révision. Mais voici la défense républicaine de Waldeck-Rousseau. Après 1898, voici le bloc des gauches de Combes au pouvoir et les plans deviennent réactionnaires. Sous l'influence d'un stratège napoléonien, le général Bonal, la part de l'active est augmentée, le nombre des divisions de réserve tombe de 33 à 20. Il est vrai qu'en 1905, on passera de la loi de 3 ans à la loi de 2 ans, réduction qui indignera la droite et la plupart des officiers. Ils y verront une conséquence de l'affaire Dreyfus. Bien à tort, ils ont été indignés, car sous le régime des 3 ans, les ecclésiastiques, les étudiants, les ouvriers d'art, et c'était souvent les bourgeois qui se cachaient sous cette étiquette, les soutiens de famille ne faisaient qu'un an. Les 2 ans sont la première loi militaire égalitaire. D'autre part, l'affaire a fait disparaître quelques chefs compromis par leur obstination à ne pas voir clair. Mais elle a pu aider à l'avancement de Joffre, classé républicain. Et elle n'a pas réellement nui à tel ou tel catholique pratiquant, Currière de Castelnau, Foch et disons même Végan. Végan qui avait souscrit pour le monument du colonel Henri. Elle a contribué à faire monter les noms des amis de la maçonnerie, l'artilleur Persin, le fantassin Sarail. Mais Persin était passablement conservateur dans le domaine du matériel, progressiste seulement quant à l'emploi du canon qu'il chérissait, ce 75 préparé au temps de la Ferde ou la version singulière que l'a donné M. Giscard d'Estaing Père-Oncle, est sorti en 1897. Mais Sarail ne croyait ni aux réserves, ni aux mitrailleuses. C'était d'ailleurs un rude soldat de fort belle prestance que ce chef chéri des loges maçonniques qui termina sa carrière en bombardant les Syriens dans Damas. En résumé, l'affaire Dreyfus fut peut-être un moment de l'histoire de la conscience humaine, surtout dans l'ordre de la psychologie de l'individu, dans l'ordre de la vie des sociétés, dans l'ordre de la politique. Il faut, semble-t-il, en rabattre. Elle ne changea pas grand-chose dans le domaine des relations internationales. Le colonialisme n'en fut nullement touché. Beaucoup de nos grands coloniaux, Gallieni, Albert Sarrault, Étienne, étaient Dreyfusards. Eliotée pareillement, en opposition à son milieu social. À l'intérieur, elle ne toucha ni au capitalisme, malgré l'action de Jaurès sur le bloc des gauches, ni au gouvernement par les bourgeois, avec Waldeck-Rousseau, grand avocat, avec Berthaud, agent de change. Ah, elle eut quand même un résultat. Sans cette crise, l'anticléricalisme serait-il redevenu un des facteurs de la politique française, comme il le fut à partir de Waldeck-Rousseau, violemment pour près de 10 ans, sourdement pour près de 40. Mais cet anticléricalisme fut-il, lui, un beau moment de la conscience humaine? Il est permis d'en douter. Au Vatican, comme dans la plupart des cours européennes, on avait cru à l'innocence du capitaine israélite. Sauf exception, les milieux catholiques français ne suivirent pas Rome en cette occasion. Ils manquèrent de charité chrétienne, c'est entendu. Mais fallait-il pour cela expulser manu militari, les chartreux, les bénédictins, les carmes et les carmélites? Enfin, si sauf dans ce domaine religieux, l'affaire eut moins de conséquences qu'on ne le croit trop souvent, si elle ne toucha profondément ni l'armée, ni la société, du moins modifia-t-elle durablement certains aspects du nationalisme français. National avait été un terme de gauche, ce devint un terme de droite, avec un mélange d'antisémitisme qui a couvé jusqu'en 1940 et alors superficiellement explosé. Le royalisme traditionnel en fut défiguré, car c'est à travers la crise dreyfusienne que s'affirma l'autorité de Charles Maurras, l'autorité de l'Action française. Mais comment mesurer l'importance de ce nom, de ce titre de journal? Ils ne pesèrent jamais dans le domaine purement électoral, et pourtant ils occupent une grande place dans l'histoire. Un beau livre traduit de l'anglais, le livre d'Eugen Weber, le montre à ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir. Au cours de cet exposé, j'ai eu pour dessein de faire réfléchir, plutôt que de résoudre les questions qui se présentaient devant moi. En voici une dernière. Si l'affaire, l'affaire tout court comme on disait, n'a pas réellement mis en cause la position internationale, la position militaire, la position nationale de la France, pourquoi donc tant d'officiers, les merciers, les bois d'Effre, les gonces, se sont-ils acharnés à maintenir la condamnation du capitaine Dreyfus? Oh, il y a bien une réponse, mais elle est très sommaire, par bêtise. Il n'y attribue aucune importance. Eh bien, c'est précisément donc ce qui reste incompréhensible, ce qui permet d'aboutir chaque année une version nouvelle aux précédentes versions du drame de 1894-1896. Analyse spectrale de l'Occident. C'était aujourd'hui l'affaire Dreyfus, une émission de Pierre Cipriot réalisée avec la collaboration de Marie-André Armino. avec Emmanuel Berle, Henri Contamine, Pierre Sorlin, Marcel Thomas. Lecteur, Jean Topard. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 décembre 1967. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.